Parce qu'on a, on permet aussi à des gens de créer des séries. Alors c'est des qui sont déclinés en épisodes et qu'on met en ligne au fur et à mesure pour créer un petit peu d'attente ou de suspense, ou parce que tout simplement ça correspond aussi au temps de vie de la personne. Mmh. Et puis c'est ce qu'on appelle des dossiers. Il y a une petite case dossier sur le site et qui regroupe des créations sonores entre elles, soit parce que c'est vraiment une série, donc avec ça peut être une fiction radiophonique en épisode, soit ça peut être des créations disparates regroupées autour d'un même thème. Voilà, donc il y a une liberté simplement, une liberté d'association. Et dans ce cas-là, en fait, on a demandé à quelqu'un qui s'appelle Olivier Meiss, qui est un réalisateur documentariste de radio et aussi de cinéma, qui travaille sur la Chine depuis quelque temps déjà, et qui maintenant vit en Chine, là-bas, de nous livrer son journal de Chine. On en est là au 4e épisode, je crois, si je me trompe pas. Il y en aura 5, au moins 5, peut-être 6. Et il nous livre un point de vue d'étrangers qui découvre, qui est curieux de ce grand pays complexe et qui nous livre comme ça des images de Chine, qui essayent de sortir des clichés qu'on a tous. Ce qu'on va écouter là, c'est donc le 4e épisode, je crois. Ça s'appelle 8 mètres sous terre. Et c'est un reportage sans parole qui traite de ces ouvriers, tous ces ouvriers qui sont souvent des paysans, fraîchement arrivés en ville et qui sont là pour bâtir la nouvelle Pékin et qui, la plupart du temps, vivent dans des caves, dans des hôtels qui ont été, ou des anciens bunkers qui sont transformés dans des hôtels. Je crois que c'est cette vie du dessous qui nous est traitée là, sans commentaire. Je crois que c'est un sujet qu'il va exploiter un peu plus, c'est le thème de son prochain documentaire. Son prochain long documentaire, ouais. C'est possible. Son prochain long métrage. Olivier, voilà. Olivier Meiss, on a diffusé l'année dernière dans ce même salon de musique un documentaire sonore d'Olivier qui s'appelait La Fièvre, pour ceux qui se rappellent. Voilà, donc on le retrouve. Vous pouvez le retrouver sur le site Silence Radio. Mais tout de suite, on va écouter 8 mètres sous terre. Mm. De la rue, on ne voit rien, juste un escalier qui s'enfonce sous la terre. Ici vivent des paysans venus de toute la Chine, nouvellement arrivés pour tenter leur chance à la capitale. C'est le moyen le moins cher de se loger à Beijing. Des abris anti-aériens reconvertis en hôtels bon marché, quasi insalubres où pourtant la vie s'organise. En hiver, il y fait bon, en été, il y fait frais, mais toujours terriblement humide. Voilà, c'était 8 mètres sous terre d'Olivier May. C'est ce que je viens de lire. En fait, c'est le petit texte qui accompagne la pastille sonore sur Silence Radio. En fait, chaque création a comme ça un petit texte associé qui est une invitation à l'écoute. Comment on fait pour venir à Silence Radio et être accepté pour y participer? Pour y participer. Ben, c'est très simple. Il y a des choses que vous réalisez vous-même, ouais. vous reprenez des idées, enfin vous accueillez des idées, vous les mettez en forme. En fait, ça dépend un peu de comment va la vie de Silence Radio aussi derrière les coulisses. C'est-à-dire que c'est un projet qui est né avec un certain soutien, un certain financement qui a permis de vraiment créer des choses pour le lancement, qui a permis vraiment à ce que les gens puissent être rémunérés pour le faire, etc. Le projet continue aussi de manière bénévole, un peu comme beaucoup de projets associatifs où pour le continuer, ben, on fait avec les moyens du bord. Et en tout cas, le projet est complètement ouvert à participation. Donc il suffit d'envoyer un mail ou en tout cas l'adresse qu'on pourra donner tout à l'heure. Et ce que nous on dit aux gens qui veulent participer, c'est très simple, c'est-à-dire que voilà, allez sur le site, écoutez les choses qui y sont, et ça vous donnera une idée de ce qu'il peut manquer ou de ce que pourraient aimer les auditeurs de Silence Radio. Donc voilà, c'est très simple. Après, évidemment, on fait une sélection aussi suivant ce qu'on reçoit. Tout à l'heure, je parlais de critères, tu sais, au début de l'émission, avec le collectif No Zero. Je leur demandais justement, est-ce qu'ils avaient une sorte de charte? Est-ce que vous, à Silence Radio, est-ce que tu pourrais définir? Est-ce que vous avez... Qu'est-ce que c'est qui pourrait... Oui, on a défini ça. C'est peut-être un peu fumeux comme ça, mais ce qu'on a dit et ce qui est écrit sur le site quand on va dans la rubrique info, c'est que on essaye de proposer des choses qui émanent d'esprits critiques, quoi. Et on essaye d'imaginer une radio qui puisse, enfin une création radio qui puisse osciller entre deux pôles qui sont prendre la radio comme un moyen d'expression, un moyen d'expression politique, sociale, et aussi comme un art. Voilà. Donc on a ces deux pôles, et ce qu'on peut trouver sur Silence Radio, finalement, c'est un peu une feuille de ce millefeuille entre les pôles poétique et politique. Après, on essaie de créer une identité forte sur Silence Radio. Donc, il y a des mises en ligne toutes les saisons, tous les trois mois, et on retrouve 10 nouvelles créations à chaque fois. Et donc, la sélection de ce qu'on reçoit et de ce qu'on produit, elle se fait aussi pour qu'il y ait une couleur dans cette mise en ligne. Voilà. Vous interpellez parfois directement des auteurs? Oui. Ça nous arrive de passer commande, ça nous arrive de tomber sur quelque chose qu'on s'est dit, il faut absolument que ce soit sur Silence Radio, et donc on contacte la personne. Ça nous arrive de laisser carte blanche à certaines personnes. Voilà, on reçoit aussi des choses qui sont des véritables petites perles et qu'on met en ligne, ouais. À No Zero, comment vous accueillez les nouveaux venus? C'est ceux qui viennent vous voir directement? C'est vous qui allez les chercher? Ça, c'est terrible d'ailleurs à vivre. Nico a un très mauvais souvenir de ça. Si tu veux en parler, ton rite d'initiation, ça a été assez... Tu l'as mal vécu, je me rappelle. On peut passer à autre chose, s'il te plaît? D'accord, donc... Non, mais comme on n'a pas pignon sur rue, on n'a pas un site très connu, c'est vrai que ça se passe plutôt par des connaissances. Il y a un rapport humain qui se fait avant un mail. C'est vrai qu'on reçoit pas, pour l'instant, on n'a pas envisagé de recevoir et de diffuser des productions via notre site internet. Et la plupart du temps, c'est des gens qu'on a connus dans des festivals, etc. Encore une fois, on est une asso de production, pas de diffusion. On n'a pas le même objet que Silence Radio là-dessus. On a un site pour faire un peu, qui soit une vitrine de ce qu'on fait, qui nous ressemble un peu, mais il n'y a pas plus d'ambition que ça, quoi. On n'est ni Arte Radio, ni Silence Radio. C'est pas le même objet. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas cette volonté d'aller chercher des gens, être un peu tête chercheuse de créateur sonore, il n'y a pas cet objectif-là. Donc ça se fait de rencontres de personne à personne, comme ça, souvent par hasard d'ailleurs, mais puis ça se fait bien en fait. Donc, tout à l'heure, tu parlais de ce rapprochement entre la radio et la création sonore, justement, dans des modules, quand on écoutait justement le petit épisode, le quatrième épisode du site Silence Radio, tu parlais justement de ces formatages, Ce que je trouve intéressant, je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, la radio a son intéressant comme support artistique. Il est un support qui est complètement différent d'un support qu'on peut connaître, d'une installation dans un musée ou d'un CD qu'on va écouter à la maison, ou d'un concert, ou d'une etc. Parce qu'il y a une dimension d'espace-temps qui est complètement différente. Puisqu'on sur une radio, alors sur une radio FM pour le coup, parce que là, ce que vous proposez à Silence Radio est différent, puisqu'on peut écouter n'importe quand quelque chose, mais sur une radio, on est obligé de s'inscrire dans une globalité d'antenne, où il va y avoir autre chose, vers des infos, vers de la musique, il va y avoir des tas de choses comme ça. Et on s'inscrit là-dedans, il y a une logique de temps, il y a une logique de répétition, il y a une logique de suite. Quand tu parlais d'épisodes, ça m'a fait tilt là-dessus. Donc quand on crée, on est obligé de prendre tout ça en compte. Donc ça revient aussi un peu à ce qu'on disait au début de l'émission, est-ce qu'on crée exprès pour l'instant pas. Mais c'est vrai qu'on devrait se poser ce type de questions-là, parce que il y a forcément une interaction avec ce qu'il va y avoir avant et ce qu'il va y avoir après. Une radio, il met 24h/24, nous, on va avoir une interaction pendant 10 minutes, mais qui va s'inscrire dans quelque chose de global. Donc, je trouve ça vachement intéressant pour des artistes, qu'ils soient des créateurs sonores, des plasticiens, même, je veux dire, de manière plus générale, de travailler sur ce support-là parce que c'est une contrainte qui, en même temps, donne beaucoup de liberté, je trouve. Nicolas, par exemple, on va écouter une de tes créations. Alors, tu l'as peut-être aujourd'hui momentanément appelé Esprit de la Ville. Est-ce que ça reste toujours ça? Autour d'un café ce matin. Voilà, je l'ai nommé un peu tôt. En fait, pourquoi j'hésite, c'est parce que c'est un mélange de plusieurs productions que j'ai effectuées cette année et l'année dernière. J'aime bien réutiliser mes productions, les mélanger avec d'autres. En fait, il n'y a pas dans ce que je fais, il n'y a jamais en fait de production finie, ouais. Établie. Donc c'est vrai que à partir de ce moment-là, c'est difficile de la nommer parce que là, c'est un mélange de d'autres travaux que j'avais envie de mélanger ensemble. On va garder l'esprit de la ville. Mais il n'y a pas grand chose de nommé en fait dans nos productions, mais en général, je constate un peu ça. Parce qu'à part la vase aux alouettes où là, on s'est tapé ce délire d'appeler ça comme ça parce qu'on l'avait fait ensemble et qu'on trouvait ça marrant. Mais c'est vrai qu'on n'a pas cette logique d'une manière générale de nommer nos prods. Il n'y a jamais de volonté d'avoir fini quelque chose. D'un point de vue général, on n'est pas porteur de sens dans nos productions. Et comme nommer une production, c'est porteur de sens, c'est apporter un sens à la production. C'est vrai que nous, on envisage nos productions, les produits d'une façon plus émotionnelle, plus intuitive. Ouais. Et vient le moment de nommer la production, c'est toujours assez difficile pour nous tous, en fait. Il y a une logique assez éphémère aussi dans la diffusion. Là, par exemple, aujourd'hui, on passe des productions de Gare aux oreilles ou de cette résidence. Mais en fait, ça a une valeur réellement à ce moment-là. Et du coup, après, on oublie, on passe à autre chose. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas cette logique-là de nommer, d'archiver, de stocker, de montrer. Comme sur le site, il n'y a pas toutes les productions, il n'y a pas d'archives. Par exemple, je reviens à ce qu'on va entendre. Je l'appelle Esprit de la Ville. Hein. Allez. Pendant cette réalisation, il t'arrive de penser ça. Tiens, est-ce que ça va passer à la radio? Est-ce que ça, je pourrais l'envoyer à un festival? Comment tu imagines ça? Est-ce que à chaque fois que tu travailles sur, quand tu produis quelque chose, tu es déjà sur une réflexion au niveau de sa diffusion? Quelquefois, mais la plupart du temps, non, parce que j'imagine qu'on va l'écouter, mais je n'imagine pas les conditions d'écoute. Simplement parce que quand je produis, c'est pas dans une logique de diffusion. Je vais pas produire. Mmh. Effectivement, quelquefois, on a produit pour une diffusion au Gré du Zingo dans ce bar à Avignon. Pour Gare aux oreilles. Mais la plupart du temps, moi, mes productions sont antérieures à la logique de diffusion qu'on a eue à tel moment. Donc, c'est pour ça que j'ai une idée, je rebondis dessus. À ce moment-là, j'ai du temps pour le faire. Donc, je produis. Mais je ne sais pas dans quelles conditions va être écoutée la production. En tout cas, là, ça va. Ça passe à la radio. Voilà. Thank you.

Voilà, une petite explication sur Esprit de la Ville. En fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est un mélange de plusieurs productions, notamment Esprit Clair, qui est une ancienne production où il y a beaucoup de beatbox. En fait, j'ai utilisé beaucoup de voix, j'ai retravaillé avec un logiciel, etc. Donc il y a beaucoup de sons qui proviennent de ma voix, tout bêtement. Parce que je me suis rendu compte que c'est un instrument qu'on maîtrise assez facilement et qu'on peut utiliser en recréant beaucoup de sons. Enfin, c'est assez fabuleux, on oublie souvent d'utiliser la voix. Et puis De la Ville, parce que c'est encore une autre production que j'avais intitulée « L'intimité sauvage de la ville », à partir de beaucoup de prises de son effectuées à Montréal. J'ai effectué un séjour à Montréal en début d'année. Et là, c'était destiné, par contre, là, effectivement, c'était, j'ai imaginé, lors de la production, la diffusion, parce que c'était diffusé dans les WC de Gare aux Oreilles. Et l'intimité sauvage de la ville, c'était un peu violé avec des sons simplement s'immiscer dans l'intimité d'une personne qui est dans les WC avec des sons de lieux collectifs, de lieux de la ville. Donc ça m'intéressait et donc effectivement, là j'ai envisagé de diffuser ces sons de la ville dans les WC. Donc là, lors de la production, j'imaginais la diffusion. Actuellement, tu travailles sur autre chose là ? Actuellement, je travaille sur énormément de choses. Oui. C'est en fait, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai pas je tente quelque chose. D'accord. J'utiliserai un peu n'importe quoi. Ce sera la prise de son voix, de la guitare. J'aurai quelque chose qui me passera par l'oreille. Et puis j'entame une dizaine de créations en même temps. La plupart vont pas aboutir. C'est assez archaïque en fait. Enfin, Puis sinon, il y a le projet donc, d'émission là, qu'on prévoit de faire ensemble avec Nicolas tous les deux, qui a un parti pris un peu particulier par rapport à Nature Monstre, qui était l'autre émission qui existe depuis un moment, Estampillé Nos Zéros. Un peu particulière parce qu'en fait, c'est un espèce de journal intime sans lettres, c'est-à-dire qu'on va pas raconter notre vie, mais du moins on va essayer de retranscrire dans cette émission notre vision des choses, de ce qui nous entoure. Il faut lui enlever le stylo des mains parce qu'après il joue avec, il fait du bruit. Désolé. Et donc notre vision des choses, du monde qui nous entoure, donc à deux têtes en fait, avec deux visions des choses, qui est celle de Nicolas et de la mienne, qu'on va retranscrire tel qu'on a envie de le retranscrire par rapport à ce qu'on a ressenti sur ce qu'on a enregistré, ou ce qu'on a rêvé, ou ce qu'on a pensé. Donc ça peut être quelque chose de très construit musicalement, quelque chose de très brut, de l'entretien, enfin des choses comme ça, et de construire une émission autour de ces visions-là, quoi. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, une émission qui est peu porteuse de sens, on donnera le moins d'éléments possible. Ouais, c'est plus ces émotions qui nous intéressent, notre ressenti, c'est de le faire réciter. Vous avez peur de donner du sens aux choses? Non, ou c'est quoi? Je crois que moi, en tout cas, je parle pour moi, non. C'est ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que pouvoir se le réapproprier. Pour faire des émissions politiques, j'ai pas besoin de Nos Zéros quelque part. Je peux faire de la radio, je peux aller dans une radio dire moi j'ai envie de faire une émission là-dessus. Ce qui m'intéresse dans la démarche de l'association, c'est d'être vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre du sensible plutôt que du discours. Et effectivement, dans le sensible, bah là, pour reprendre le concept de notre émission, c'est d'être vraiment là-dessus, sur le sensible. C'est-à-dire que même si on donne une information, on interviewe quelqu'un qui va donner des informations qui sont intéressantes pour l'éditeur, quelque part, c'est pas tant ça qui va nous intéresser quand même. C'est plutôt de qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, et puis le ping-pong qui va se produire entre différents sons qui vont être diffusés l'un après l'autre. On va parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec ce qui va passer après, mais pourtant il va y avoir un ping-pong, il va y avoir une réaction parce que les deux sont diffusés à la suite. Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, en radio il faut prendre en compte ce qui est avant, ce qui est après, c'est ça qui est intéressant. Donc là c'est vrai que dans cette démarche là, en tout cas dans celle-ci, ce qui nous intéresse c'est le sensible, ce qui n'empêche pas après d'autres projets qui sont plus dans quelque chose de plus politique au premier sens du terme, quoi. Et évidemment chaque production, chaque son est porteur de sens, simplement on n'a pas envie d'imposer quelque chose. On a vraiment envie, tu le disais tout à l'heure, que les gens s'approprient nos productions, et dans le cadre de cette émission, encore plus. Étienne, avant qu'on parle de ce festival Engrenage qui va bientôt avoir lieu à la Friche Belle de Mai, donc organisé par Radio Grenouille Ophonia, j'aimerais bien que tu nous fasses écouter encore un petit extrait de matière sonore qu'on peut entendre sur Silence Radio. Oui, un petit poème sonore, alors, pour changer de genre. Ou un petit, voilà, vous allez voir ce que c'est. En fait, on avait lancé une, c'était une drôle d'idée, c'était un concours de poésie sonore sous l'égide d'Henri Chopin, c'était il y a 2 ans, auquel avaient répondu pas mal de gens, dont un plasticien qui s'appelle Sonoke Papikao, et qui est aussi DJ par ailleurs. Et puis, puis son poème avait été recalé. Et il était très vexé, il a même changé le titre, etc. Puis il a mis sur son site. Et puis finalement, bah, 2 ans plus tard, on l'a retrouvé. Et puis on l'aime bien quand même. Voilà. Comme quoi c'est subjectif. Hein. Et donc ça s'appelle DC02, Not Qualified for the Sound Poetry Contest. Vous l'avez recalé, c'était pas mal ça. Parce qu'il y avait beaucoup mieux, quoi, sans doute. Bah, je sais plus, mais bon, il y avait des raisons très bonnes. En tout cas, là, vous l'avez. On l'a remis à jour. On va parler de ce festival. En Grenage. Bon, alors je change de casquette, de micro. Nouvelle casquette. Ta casquette Mickey, là, ce coup-ci. Je préfère à l'autre. Ouais. C'est parce qu'on n'a pas encore de casquette à Radio Grenouille, mais bon, voilà. Donc, Radio Grenouille organise au mois de décembre prochain une semaine de programmation spéciale et de rencontres et de festivités autour de la création radiophonique. On le rappellera, mais c'est du 12 au 17 décembre et ça va se passer donc pendant la semaine uniquement sur les ondes avec une programmation spéciale, des modules et des diffusions de création sonore. Et le 17, le dernier jour, le samedi, ce sera en public au Cabaret Aléatoire et au Petit Théâtre Massalia à La Friche, Belle de Mai. Et toute la journée, on pourra assister à des discussions. Il y aura 3 tables rondes dans la journée, entrecoupées de séances d'écoute en auditorium. Et le soir, des performances qui vont explorer l'idée de création radiophonique live. Donc voilà, tout ça, c'est bien sûr sur le 88.8. Donc on va bien sûr inviter nos héros et ils feront partie du programme. Pour notre programme radio, on a fait une chose très simple, c'est-à-dire qu'on s'est adressé à des collectifs, à des associations, à des institutions qui produisent de la création sonore ou qui la diffusent, qui la promeuvent comme des festivals, parce qu'il existe de plus en plus de festivals dédiés à l'écoute et à la radio, comme à Brest. On a parlé de Sonore à Nantes, ça sera en 2006. En Grenage, voilà, c'est la 2e édition à Marseille. Donc à tous ces gens, on leur a demandé de nous envoyer des créations qu'ils ont envie de défendre. Voilà. Et notre programmation sera faite de ces recommandations tout au long de la semaine, donc sur les ondes, et aussi le jour même en auditorium, dans des belles conditions d'écoute. On garde la surprise. Oui. Ouais. Voilà, le programme sortira d'ici le courant du mois de novembre. Donc, et vous en entendrez parler sur les ondes de nouveau. Bon, collectif No Zero, ça vous a fait quoi de vous faire inviter dans ce festival parce que là, bientôt, vous allez à un autre festival. C'est assez nouveau pour vous, finalement, mais ouais, tout d'un coup. A priori, il y a Sonore dont on parlait tout à l'heure, à Nantes, là, qui va faire sa première édition au mois de mars. Et puis les deux annonces, en plus, sont faites grosso modo à la même période. Alors, moi, franchement, je suis surpris. Hein. Je ne sais pas qui nous a recommandé de nous prendre, mais je suis un peu surpris. Mais ça fait plaisir, ça fait un peu peur aussi. Enfin, moi, personnellement, ça me fait un peu peur parce qu'on est tout petit. On est encore des enfants dans cette cour-là, quoi. Et ça fait un peu peur parce qu'on se dit, mais à quoi s'attendent tous ces gens qui ont envie de nous diffuser, etc. Et puis on se dit, mais nous, on a encore tout à apprendre, encore tout à faire. Et c'est un peu flippant quand même. C'est vrai qu'à partir du moment où on faisait ça dans notre coin, tranquillement, on produit, sans vraiment imaginer qui va écouter. On était plutôt rassurés. Et puis maintenant, il y a des gens qui vont écouter de part. Mais les choses vont très vite. Hein, à partir du moment où on veut faire un petit peu de communication, un petit peu de promotion, on crée un site internet. Et tout de suite, on est repéré dans le milieu, le secteur qui est pas très grand, finalement, de la création sonore et radio. Tout à fait. Mais tant mieux, parce que nous, ça nous fait énormément plaisir d'être invités dans ces festivals. Après, voilà, on essaie de produire au mieux, et puis je pense qu'il y a une constante, c'est qu'on est en constante évolution dans l'association, et c'est pour ça qu'on est aussi en phase d'apprentissage constamment. Et alors là, vous sortez, vous allez faire des créations spéciales pour ce festival, ou vous allez ressortir de vos mallettes sonores des choses déjà produites? Alors on ressort des choses déjà produites, simplement pour des questions de délai, principalement. Des questions de délai, voilà. D'accord. On va dire pour c'est vrai que pour Engrenage, en tout cas pour le festival sonore à Nantes. Bon bah là c'est en mars, donc ça nous laisse du temps quand même pour travailler sur des productions. C'est vrai que souvent on est un peu pris par le temps, et puis le problème c'est moi je travaille plus, mais on travaille tous à côté, donc c'est plus ou moins compliqué après arriver à gérer, à se retrouver, à faire des choses ensemble ou pas, etc. Participer à des. Donc en même temps ça nous met une pression qui est intéressante aussi, parce que certaines fois ça a révélé des choses plutôt chouettes, quoi. Mais là pour ce coup, oui, a priori c'est des choses qui existaient déjà, quoi. Donc on vous retrouve pour cette semaine en Engrenage, à la Friche Belle de Mai, sur les antennes de la radio. Avant de se quitter, on va s'écouter un dernier petit module sonore. Je crois que c'est juste toujours dans ce même esprit, Jacob Delafont, Gare aux oreilles. Cette fois-ci, ça s'appelle Interzone. Et puis alors là, c'est un truc là, qu'on c'est a... c'est pas toi. Hein. Non, c'est pas nous. C'est ni moi ni Nico. En fait, c'est quelque chose qu'on a redécouvert hier en préparant l'émission, en choisissant ce qu'on allait passer aujourd'hui. On l'a redécouvert hier parce que ça vient de quelqu'un qui est maintenant adhérent, mais qui à l'époque, c'est une contribution. On n'avait pas forcément fait plus gaffe que ça, parce qu'il y a eu quand même plus de 2 heures de son pour Gare aux oreilles, donc il y avait beaucoup de choses, beaucoup de matière, et on l'a redécouvert hier, on s'est dit, c'est obligé, on le passe. Ça a été notre coup de cœur. Ouais. On s'est beaucoup amusé à l'écouter hier. La structuration est un peu bancale, mais super efficace, et puis le texte, c'est un moyen de rire, c'est en l'occurrence David, donc David, on a écouté Le Capitalisme en début d'émission, qui a réalisé cette production, qui s'appelle Interzone. Une petite musique très nappée, avec des harmoniques douces pour faire ses besoins, c'est un problème. Une musique planante, ça nous projette en zone internationale, comme si nous quittions le pays. Comme si nous quittions le pays, juste après avoir fait. Ce n'est pas que nous sommes attachés à nos effets personnels, jusqu'à ne pas supporter de frontières. Entre Nord-Est et nous, ce n'est même pas que nous avons quelques réticences à polluer des pays étrangers pour revenir chez soi lavé de ses envies. Au contraire, ce sont les histoires de frontières. Ce sont les histoires de frontières qui sont merdiques. C'est pourquoi les musiques planantes nous patriotisent et nous emmerdent plus qu'elles nous purgent. Le béaba du punk, c'est bien de refait. C'est bien de refaire une histoire de la musique par sous-genre humain. Le fun serait de la musique d'enculé, le blues, une musique constipée, honte ou état de cause. en tout état de cause, tant qu'elle nous caresse, la musique, on l'a dans le cul. Ce qui est paradoxal tant la merde est, chez les punks, une métaphore sociale inégalée. Tandis que, par provocation ou instinct de désorganisation très honorable, le surennoblissement de toute matière fécale, artistique y compris, est trop nécessairement puant. Il faut être Mozart. Il faut être Mozart pour faire lumineux l'équilibre jusque là où ça chie, et l'écouter encore pour trouver sur le trône la juste extension du plaisir à se soulager. Voilà, ben on va se quitter sur ces dernières notes. Je crois qu'on n'a plus rien à dire, là, c'est bon. Merci beaucoup, en tout cas, le collectif No Zero, Damien et Nicolas. Pardon, Étienne. Bah, moi, je voulais faire une petite annonce encore. Ah. Bon, alors là, je reprends ma casquette Silence Radio. Parce que pendant l'émission, on a dit oui, vous pouvez participer à Silence Radio, mais j'ai donné toutes les coordonnées. Donc là, je m'en voudrais de pas terminer. Donc, si vous avez une idée, si vous avez créé quelque chose, si vous souhaitez le faire, il faut pas hésiter à envoyer votre CD. Mais d'abord, prenez contact, c'est plus simple. Ou alors, ou sur le site internet www.silenceradio.org, vous trouverez dans la rubrique info l'adresse toutes postale. Toutes les démarches et tout ça aussi. Toutes les démarches, voilà, et le protocole, etc. Non, bon. Sinon, envoyez un mail à l'adresse courrier@silenceradio.org pour indiquer votre intention. Et si vous le faites avant le 1er décembre, vous pourrez participer peut-être à la prochaine mise en ligne d'hiver. Donc, la mise en ligne d'hiver sera le 21 décembre. Donc, si vous avez quelque chose à nous envoyer avant le 1er décembre, voilà. Voilà. Merci beaucoup Étienne. Damien, merci. Nicolas, une petite annonce, le site, où on peut vous retrouver, peut-être les prochaines dates. www.no-0.net. Zéro en lettres. Zéro en lettres, ouais. Donc, pas se tromper. Compliqué. Ah bah, quand on le lit, c'est vachement simple d'un coup, mais c'est vrai qu'en radio, c'est pas très sympa à dire. No-0.net, voilà, donc on retrouve quelques-unes de nos productions, et promis, on va encore en mettre un peu plus. Quoi d'autre? Sinon, la prochaine date, je crois bien que c'est Festival Engrenage. Hein. Voilà, donc on vous retrouve très bientôt à Marseille. Priori, sur Marseille. Du 12 au 17 décembre. Et puis, toutes les infos sur nos événements sont sur le site, donc si vous voulez savoir si on joue au Réduzingo, au Combat à Avignon, dans quelques lieux que ce soit, c'est annoncé sur le site à chaque fois. Donc, il suffit d'aller visiter régulièrement. Et comme ça, vous avez toutes les infos sur ce qu'on fait. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, on a passé un bon petit moment sur ce salon de musique. Passez une bonne journée. À très bientôt. Au revoir, Étienne. Au revoir, Nicolas. Au revoir. Au revoir, Damien. Au revoir. La confusion.